Selon les presses de Séoul, les gens pour la paix et la réunification de Pusan ont lancé le 28 juin un commentaire contre les exercices de guerre des GIs en Corée du Sud.